Merci beaucoup Joël Zask. De vous, on peut lire Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique. C'est aux éditions Premier Parallèle, c'est paru en 2019. Et puis aussi, tout récemment paru, Face à une bête sauvage. Donc c'est toujours aux éditions Premier Parallèle. Et encore aux éditions Premier Parallèle, Zoocities, des animaux sauvages dans la ville. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Que nous apprend la science sur l'humanité? L'humanité est l'espèce qui accède difficilement parfois, et justement c'est le problème, à la connaissance scientifique. Et bien sûr, cette connaissance scientifique, elle l'applique aussi à elle-même. Et on peut dire d'abord, ce que nous apprend la science sur l'humanité, c'est peut-être la nature même de l'humanité. C'est ce qu'on appelle aussi les sciences humaines, les sciences de l'homme ou bien les sciences sociales. Le terme est d'ailleurs assez variable dans ce domaine-là. Mais dans l'histoire de la philosophie, la véritable réflexion sur la science et ce qu'elle nous apprend sur l'humanité porte justement sur l'humanité, non pas comme objet de la science ou de certaines sciences seulement, mais l'humanité comme sujet de la science. Quel est donc cet être qui est capable d'être non seulement un être vivant avec ses besoins, avec son corps, avec sa fragilité, avec sa mort par exemple aussi, mais un être qui accède à la connaissance des lois de l'univers, qui accède à la connaissance des mathématiques, qui accède à un certain type de science. Dans toute l'histoire de la philosophie, le fait scientifique a été l'occasion de réfléchir sur la nature profonde de l'humanité, nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Peut-être ne peut-on pas réfléchir sur les êtres humains sans se demander ce qui en eux rend possible la science. C'est la grande interrogation qui travaille en tout cas toutes les grandes philosophies de la science, depuis Platon jusqu'à Kant et bien au-delà. Mais cette réflexion semble avoir un peu disparu aujourd'hui et il faut sans doute la raviver. Pour Platon, au fond, le fait mathématique, le fait d'arriver à une vérité universelle bien différente de l'expérience, par exemple à l'idée du cercle qui est toujours bien plus profonde et parfaite que tout cercle réel dessiné sur le sable ou à la craie qui sera bien imparfait, à la définition du cercle, c'est l'ensemble des points à équidistance d'un même autre point, et oui c'est cela la définition du cercle, et bien il sera toujours bien plus parfait que les cercles réels. Et dans une célèbre lettre, Platon nous apprend que c'est l'accès non seulement à un type d'être, les êtres mathématiques, mais à une dimension en nous, le logos, la raison, une dimension très profonde, une dimension qui nous arrache à la relativité de notre corps sensible. Beaucoup de rationalisme ont ainsi vu dans l'expérience même de la science une dimension cachée de l'humanité, une dimension très profonde qu'il faut respecter en nous. C'est aussi le fait de la philosophie de Kant qui cherche les conditions de possibilité de la science, non seulement mathématique, mais de la nature. Et il y a ceux qui critiquent avec la science elle-même cette dimension même de l'humanité. Mais il faut revenir à cette réflexion profonde que nous apprenons la science donc sur l'humanité. Même un philosophe qui a paru critiquer la science comme Bergson a reconnu dans la fin de son œuvre, dans son dernier livre, qu'il y avait dans la science une capacité de l'humanité à s'arracher à sa détermination naturelle, à ses besoins vitaux pour accomplir une finalité universelle et pratique, une émancipation et pas seulement une satisfaction par rapport à nos besoins vitaux premiers. La science a peut-être non seulement un fondement théorique, une racine dans l'être humain à respecter comme tel, et d'abord qui s'exerce dans le doute, dans l'esprit critique, mais aussi une finalité émancipatrice. Non seulement elle est issue de ce petit humain mortel, mais elle a aussi pour but peut-être d'améliorer sa vie et non pas de la détruire. Dans la réflexion même sur la finalité de la science, nous devons apprendre à réguler ses usages aujourd'hui. Elle nous apprend donc ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir pour le meilleur et pour le pire. Merci Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Manon Delasselle, Adèle Van Rett, Antoine Ravon, Anaïs Isbert et Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson et Hélène Losseur à la lecture des textes toute cette semaine. pour écouter ou réécouter cette deuxième émission de notre série sur le feu, le méga-feu, les méga-feux en compagnie de Joël Zask, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page Les Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre programme. Et demain, préparez-vous, ce sera l'art des gaufres chaudes, ce sera avec Gaston Bachelard, pas lui en studio, mais on entendra sa voix, et ce sera en compagnie de Jean-Philippe Pierron.